14.33, activation, discrimination auditive, terminaison de l'imparfait. Écoutez les phrases suivantes et déterminez si elles sont au présent ou au passé, à l'imparfait. Cochez la case appropriée. 1. Vous le savez. 2. Il le savait. 3. Vous ne voulez pas? 4. Nous ne voulons pas. 5. Vous faisiez tout. 6. Vous le connaissez. 7. Tu partais? 8. Tu me cherches? 9. Vous le saviez? 10. Il y était. 11. Il ne voulait pas? 12. Nous ne voulions pas. 13. Je faisais tout. 14. Vous le connaissez? 15. Je sortais. 16. Vous me cherchiez, madame? 17. Ils le savent. 18. Vous y étiez? 19. Vous ne vouliez pas. 20. Nous ne faisions rien.